Mimi Pinson, Profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Avec la galette parut dans sa gloire l'unique bouteille de vin de champagne qui devait composer le dessert. Avec le vin, on parla chanson. « Je vois, » dit Marcel. « Je vois, comme dit Cervantes, Zélia qui tousse. C'est signe qu'elle veut chanter. Mais si ces messieurs le trouvent bon, c'est moi qu'on fête, et qui par conséquent prie mademoiselle Mimi, si elle n'est pas enrouée par son anecdote, de nous honorer d'un couplet. « Eugène, » continua-t-il, « sois donc un peu galant, trinque avec ta voisine et demande-lui un couplet pour moi. » Eugène rougit et obéit, de même que mademoiselle Pinson n'avait pas dédaigné de le faire pour l'engager lui-même à rester, il s'inclina et lui dit timidement. « Oui, mademoiselle, nous vous en prions. » En même temps, il souleva son verre et toucha celui de la grisette. De ce léger choc sortit un son clair et argentin. Mademoiselle Pinson saisit cette note au vol et d'une voix pure et fraîche la continua longtemps en cadence. « Allons, » dit-elle, « j'y consens, puisque mon verre me donne le la. Mais que voulez-vous que je chante? Je ne suis pas bégueule, je vous en préviens, mais je ne sais pas de couplet de corps de garde. Je ne m'en canaille pas la mémoire. « Connu, » dit Marcel, « vous êtes une vertu. Allez votre train, les opinions sont libres. » « Eh bien, » reprit mademoiselle Pinson, « je vais vous chanter à la bonne venue des couplets qu'on a fait sur moi. » « Attention, quel est l'auteur ?»« Mes camarades du magasin, c'est de la poésie faite à l'aiguille. Ainsi, je réclame l'indulgence. » « Y a-t-il un refrain à votre chanson ?»« Certainement, la belle demande. » « En ce cas-là, » dit Marcel, « prenons nos couteaux et au refrain, tapons sur la table. Mais tâchons d'aller en mesure. Zélia peut s'abstenir si elle veut. » « Pourquoi cela, malhonnête garçon ?» demanda Zélia en colère. Pour cause, répondit Marcel. Mais si vous désirez être de la partie, tenez, frappez avec un bouchon. Cela aura moins d'inconvénients pour nos oreilles et pour vos blanches mains. Marcel avait rangé en rond les verres et les assiettes et s'était assis au milieu de la table, son couteau à la main. Les deux étudiants du souper de Rougette, un peu ragaillardis, ôtèrent le fourneau de leur pipe pour frapper avec le tuyau de bois. Eugène rêvait, Zélia boudait. Mademoiselle Pinson prit une assiette et fit signe qu'elle voulait la casser, ce à quoi Marcel répondit par un geste d'assentiment, en sorte que la chanteuse, ayant pris les morceaux pour s'en faire des castagnettes, commença ainsi les couplets que ses compagnes avaient composés, après s'être excusée d'avance de ce qu'il pouvait contenir de trop flatteur pour elle. Mimi Pinson est une blonde que l'on connaît. Elle n'a qu'une robe au monde, landerinette et qu'un bonnet. Le grand Turc en a davantage, Dieu voulut de cette façon la rendre sage, la rendre sage. On ne peut pas la mettre en gage, la robe de Mimi Pinson. On ne peut pas la mettre en gage, la robe de Mimi Pinson. Mimi Pinson porte une rose blanche au côté. Cette fleur dans son cœur est close, landerinette, c'est la gaieté. Quand un bon souper la réveille, elle le fait sortir la chanson de la bouteille, de la bouteille. Parfois il penche sur l'oreille le bonnet de Mimi Pinson. Parfois il penche sur l'oreille le bonnet de Mimi Pinson. Elle a les yeux et la main prestes, les carabins matin et soir usent les manches de leur veste, landerinette à son comptoir. Quoique sans maltraiter personne, Mimi leur fait mieux la leçon qu'à la Sorbonne, qu'à la Sorbonne. Il ne faut pas qu'on la chiffonne, la robe de Mimi Pinson. Il ne faut pas qu'on la chiffonne, la robe de Mimi Pinson. Mimi Pinson peut rester fille, si Dieu le veut, c'est dans son droit. Elle aura toujours son aiguille, landerinette au bout du doigt. Pour entreprendre sa conquête, ce n'est pas tout qu'un beau garçon. Faut être honnête, faut être honnête. Car il n'est pas loin de sa tête, le bonnet de Mimi Pinson. Car il n'est pas loin de sa tête, le bonnet de Mimi Pinson. D'un gros bouquet de fleurs d'orange, si l'amour veut la couronner, Elle a quelque chose en échange, Landerinette à lui donner. Ce n'est pas, on se l'imagine, un manteau sur un écusson fourré d'hermine, fourré d'hermine. C'est l'étui d'une perle fine, la robe de Mimi Pinson. C'est l'étui d'une perle fine, la robe de Mimi Pinson. Mimi n'a pas l'âme vulgaire, mais son cœur est républicain. Aux 3 jours, elle a fait la guerre, Landerinette en casaquin. À défaut d'une hallebarde, on l'a vue avec son poinçon. Montez la garde, montez la garde. Heureux qui mettra sa cocarde au bonnet de Mimi Pinson. Heureux qui mettra sa cocarde au bonnet de Mimi Pinson. Heureux qui mettra sa cocarde au bonnet de Mimi Pinson. Heureux qui mettra sa cocarde au bonnet de Mimi Pinson. Les couteaux et les pipes, voire même les chaises, avaient fait leur tapage, comme de raison, à la fin de chaque couplet. Les verres dansaient sur la table et les bouteilles, à moitié pleines, se balançaient joyeusement en se donnant de petits coups d'épaule. « Et ce sont vos bonnes amies, » dit Marcel, « qui vous ont fait cette chanson-là ? Il y a un teinturier, c'est trop musqué. Parlez-moi de ces bons airs où on dit les choses. » Et il entonna d'une voix forte. Nanette n'avait pas encore 15 ans. « Assez, assez !» dit Mademoiselle Pinson. « Dansons plutôt. Faisons un tour de valse. Y a-t-il ici un musicien quelconque ?»« J'ai ce qu'il vous faut, » répondit Marcel. « J'ai une guitare, mais... » continua-t-il en décrochant l'instrument. « Ma guitare n'a pas ce qu'il lui faut. Elle est chauve de 3 de ses cordes. »« Mais voilà un piano, » dit Zélia. « Marcel va nous faire danser. » Marcel lança à sa maîtresse un regard aussi furieux que si elle l'eût accusé d'un crime. Il était vrai qu'il en savait assez pour jouer une contredanse, mais c'était pour lui, comme pour bien d'autres, une espèce de torture à laquelle il se soumettait peu volontiers. Zélia, en le trahissant, se vengeait du bouchon. « Êtes-vous folle ? » dit Marcel. « Vous savez bien que ce piano n'est là que pour la gloire, et qu'il n'y a que vous qui l'écorchiez. Dieu le sait. Où avez-vous pris que je sache faire danser ? Je ne sais que la Marseillaise, que je joue d'un seul doigt. Si vous vous adressiez à Eugène, à la bonne heure, voilà un garçon qui s'y entend. Mais je ne veux pas l'ennuyer à ce point, je m'en garderai bien. Il n'y a que vous ici d'assez indiscrète pour faire des choses pareilles sans crier gare. » Pour la 3e fois, Eugène rougit et s'apprêta à faire ce qu'on lui demandait d'une façon si politique et détournée. Il se mit donc au piano et un quadrille s'organisa. Ce fut presque aussi long que le souper. Après la contredanse vint une valse. Après la valse, le galop, car on galope encore au Quartier Latin. Ces dames surtout étaient infatigables et faisaient des gambades et des éclats de rire à réveiller tout le voisinage. Bientôt, Eugène, doublement fatigué par le bruit et la veillée, tomba, tout en jouant machinalement, dans une sorte de demi-sommeil, comme les postillons qui dorment à cheval. Les danseuses passaient et repassaient devant lui comme des fantômes dans un rêve, et, comme rien n'est plus aisément triste qu'un homme qui regarde rire les autres, la mélancolie à laquelle il était sujet ne tarda pas à s'emparer de lui. « Triste joie, » pensait-il, « misérable plaisir, instant qu'on croit voler au malheur, et qui sait laquelle de ces 5 personnes qui sautent si gaiement devant moi est sûre, comme disait Marcel, d'avoir de quoi dîner demain ? » Comme il faisait cette réflexion, Mademoiselle Pinson passa près de lui. Il crut la voir, tout en galopant, prendre à la dérobée un morceau de galette resté sur la table et le mettre discrètement dans sa poche. Fin du chapitre 4.